16. Activation orale, approximation. Transformer selon les exemples. Par exemple, vous entendez. 1. Ça fait combien? Et vous voyez. 20 francs 40. Alors vous dites. Une vingtaine de francs. Ou bien vous entendez. 2. Il y avait beaucoup de monde à votre anniversaire? Vous voyez. 62 personnes. Et vous dites. Une soixantaine de personnes. 3. Je vous dois combien? Un millier de francs. 4. Ça fait combien? 40aine de francs. 5. C'est combien? 15aine de francs. 6. Combien de personnes y avait-il à votre anniversaire? 50aine de personnes. 7. Il y avait du monde à votre anniversaire? 30aine de personnes. 8. Et à Noël, il y avait beaucoup de monde chez vous? 100aine de personnes. Oh là là!